Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1995, Marc Dumont consacrait 5 épisodes de l'émission Jeux de Louis aux grandes voix suédoises de la chanson. Le deuxième volet donnait à entendre celle de la cantatrice Kirsten Flagstedt, née en 1895 et morte en 1962, qui fut en son temps une star de l'opéra wagnérien. Mais Kirsten Flagstedt était norvégienne. Pourquoi l'inclure alors dans une série consacrée aux grandes voix suédoises ? Réponse à l'écoute de cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 décembre 1995 et qui s'ouvrait par l'un des Wesendonck leaders de Wagner. Quel rapport entre la Suède et Kirsten Flagstedt, après tout, est norvégienne, fille d'un chef d'orchestre norvégien et d'une pianiste norvégienne. Elle étudie à Oslo et elle commence à Oslo. Thank you. Alors donc, eh bien, il existe peut-être bel et bien une entité nordique, une entité scandinave. Norvège, Finlande, Suède, trois pays, trois histoires, mais la Suède n'est pas seulement le centre géographique, c'est un catalyseur culturel, un vrai carrefour. D'ailleurs, Flagstad y est venu chanter à 33 ans, entre 1928 et 1932. Elle faisait partie de la troupe du théâtre de Göteborg. C'est après qu'elle est devenue wagnérienne, mais toujours nordique. Les compositeurs suédois existent bel et bien, mais de Roman à Stenhammar, de Kraus à Alphen, en fait aucun n'a la célébrité, la richesse musicale d'un Grieg ou d'un Sibelius. Et ce n'est pas étonnant donc que les musiciens, les interprètes suédois se tournent sans cesse vers eux, vers la Norvège ou vers la Finlande. Kirsten Flagstad, la Norvégienne, interprétait à l'instant deux mélodies de Grieg. Elle chantait très souvent dans son arbre généalogique, mais aussi dans cette identité nordique, comme ici, avec Sibelius. C'était « Jeu de Louis », Kirsten Flagstadt, la Wagnerienne du froid, par Marc Dumont, réalisation Géraldine Prüttner, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 décembre 1995. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Somente eu errei. Não vou mais procurar você. Oh girl, não. Tudo fui em ser bom, sempre bom, esperando. Não sei bem o que, não sei. Tudo fui. É bom, sempre bom, esperando. Não sei bem o que, mas se eu não aguentar, vou te buscar ou vou levar. Hoje dá pra dor, nem ter. Se me procurar, talvez eu possa estar até um dia. Se você me procurar, talvez eu possa estar. Eu que sou, eu que fui, eu que jurei não mais sofrer. Eu que sou. Ser bom, sempre bom, esperando. Não sei bem o que, não sei. Pulo fundo em ser bom, sempre bom, esperando. Não sei bem o que, mas se eu não aguentar, vou te buscar ou vou levar um jantar pra dois.